19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, bienvenue de Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Eh bien, ravi de vous retrouver en ce froid mardi 2 mois de décembre, une semaine avant Noël. Donc, tout va bien. Si vous voulez avoir des petits cadeaux, il faudra encore attendre un petit peu. D'ailleurs, tiens, j'en profite pour vous dire de ne pas rater l'émission de la semaine prochaine. Il y aura plein de cadeaux. Je pense que le Père Noël viendra me faire une petite visite d'ici entre demain soir et lundi soir prochain pour me permettre de vous offrir plein de petites choses. Alors ce soir, moi ce que j'ai à vous offrir, bah, c'est des nouveautés, comme toutes les semaines d'ailleurs. Elles seront au nombre de 3. Et puis on va revenir aussi donc sur ce qu'il y a eu ces dernières semaines, car si en ce moment actualité Covid oblige, bah, les concerts, c'est pas grand chose. Par contre, des sorties albums, il y a quand même ce qu'il faut, c'est moins qu'on puisse dire. Eh bien, on va commencer tout de suite avec une légende du hard rock, Kiss. Et Kiss qui vient de fêter donc les 45 ans de la sortie de son album mythique Destroyer, d'une version de luxe ou un coffret vraiment assez, comment dirais-je, roboratif. Voilà, je sais même pas si c'est comme ça que ça se dit, enfin bref. Toujours est-il que sur cette version de luxe, nous avons l'album remasterisé, plus des démos et des tas de choses. Et nous avons aussi quelques extraits du concert que Kiss avait donné à Paris à l'Olympia le 22 mai 1976. Donc la première fois que le groupe sortait... venait en France et sortait des États-Unis. Eh bien, pour ce soir, je vous propose de faire un petit voyage dans le temps et on va se faire un petit extrait de cet album de Destroyer. Un morceau qui n'est pas des plus connus. C'est quand on pense à l'album Destroyer, on pense à Detroit, Rock City, Shout It Out Loud ou autre. Mais celui-là, on a tendance à l'oublier. Pourtant, ça, il est quand même intéressant. C'est Flaminius avec lequel l'émission commence ce soir. Rock'n'roll, tout ça. Bah, c'est la légende donc américaine Kiss, à l'instant King of the Nighttime World. Lui aussi extrait de l'album studio Destroyer, mais là, cette version live, on peut la trouver sur le mythique Alive 2, sorti en 1977. Juste avant, c'était une version roots, on peut dire, bien crue, de Flaming Youth, qu'on peut trouver sur la version deluxe de Destroyer, sorti au mois de novembre, donc pour les 45 ans de sortie de cet album mythique. Et je vous rappelle donc, Cocorico, que ça a été enregistré à l'Olympia à Paris le 22 mai 1976. Ça, c'est pour les archivistes qui veulent tout savoir. On va se faire donc la première nouveauté de la soirée avec un groupe qui nous vient de la région parisienne qui s'appelle Beneath My Sins. Alors Beneath My Sins existe depuis 2015. C'est un groupe de métal symphonique à chanteuse comme il en existe beaucoup, même moi en ce moment, si, parce que la mode, on va dire, est passée malgré tout. Et le groupe n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'il nous a déjà sorti donc deux albums, un en 2017 et un en début 2020. Seulement, bah voilà, Covid oblige, le groupe a été contraint à l'inactivité, donc pas de concert. Donc du coup, il en a profité pour sortir une revisite de des morceaux de ces deux albums, en version acoustique ou semi-acoustique, sur un projet qui s'appelle An Acoustic Journey Part 1, ce qui laisserait présager qu'il y aurait un part 2, ça. À suivre. Enfin, toujours est-il apparemment que normalement le groupe travaille à un nouvel album studio, de nouvelles compos, et devrait, j'insiste bien sur devrait, être en concert en France en compagnie du groupe de metal symphonique russe Imperial Age au mois de janvier. Mais enfin ça, wait and see comme on dit. Donc je vous invite à découvrir avec une relecture du morceau Kick Me Out. Kelbor avec Release Me, un extrait de Disorder, leur premier album, qui est vraiment une belle petite réussite, hein, quand même, quand on sait que c'est une autoprod, ça le fait vraiment. Juste avant la première nouveauté de la semaine, le groupe Beneath My Sins et son album interlude, on va dire quelque part, un acoustique Journey Part 1 avec le morceau Kick Me Out. On va rester en France avec le groupe Existence, dont on dit beaucoup, le plus grand bien depuis un bon moment déjà, et qui fait parler de lui dans la presse métal. Il faut dire que c'est vraiment mérité. Existence qui existe depuis maintenant une bonne dizaine d'années et qui nous a sorti là un album vraiment mature, un mélange de heavy des années 80 avec un son très actuel, vraiment une belle réussite. Puis comme je vous le disais la semaine dernière, Existence pour moi c'est un bon grand souvenir aussi, puisqu'à leur tout début, alors même qu'ils aient sorti juste leur première démo, qui deviendra par la force un peu leur premier album, ils étaient venus ici à Electric Shock, c'était en février 2011, le groupe au complet avec le manager, qui était l'ancien chanteur de H-Bomb, le regretté Didier Izard. On est passé d'ailleurs un super moment, je m'en souviens très très bien, et c'était vraiment un des grands moments d'Electric Shock. Sur cet album, il y a des choses très variées, comme par exemple ce morceau presque trash qui est Preacher of Insanity. Le Reflet du Mal, un extrait de Étrange Vision, le nouveau ancien album d'ADX, on peut dire, puisque Étrange Vision, c'est ni plus ni moins que la retranscription en français de l'album World Visions, qui était sorti en 1990, et qui est le seul album qui était en langue anglaise de la longue discographie des vétérans français. Juste avant ADX, Existence, avec un extrait de Wolf Attack, qui est leur quatrième album, qui est sorti donc fin octobre, et c'était Preacher of Insanity. Est-ce qu'un peu de death metal mélodique, ça vous dirait? Oh, bah, je pense que ça fait toujours un peu de bien aux oreilles, ça. On va revenir, tiens, à Death Decline, qu'on vous passe régulièrement depuis plusieurs semaines, et on va se refaire un petit extrait de Silent Pass, leur troisième album, avec un morceau qui s'appelle Through the Stranger's Eyes. Thank you. termine tout en douceur, comme ça a commencé, même si le reste était quand même plus musclé. C'était donc un extrait de l'album de Death Decline de Silent Path, et c'était l'excellent Through the Stranger's Eyes qu'on a eu ce soir pour se décaper les oreilles. Et où est-ce qu'on peut se décaper les oreilles? C'est en écoutant Electric Shock tous les mardis soirs sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 entre 19h et 21h. Passons à quelque chose de beaucoup plus tranquille et beaucoup plus bluesy, avec l'album de reprise de Deep Purple, Turning to Crime. Et oui, Deep Purple, bah, comme tout le monde, s'est retrouvé le bec dans l'eau. Il faut dire que l'album était sorti là en septembre 2020 et espérait, je pense, pouvoir tourner pour le promouvoir. Il faut dire que cet album est vraiment excellent. D'ailleurs, si vous en rappelez, vous avez eu l'occasion de vous en rendre compte dans Electric Shock. Et malheureusement, comme beaucoup, c'est reporté à 2022, voire même 2023, donc ils ont rongé leurs freins, ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on refait un album ou quoi. Et les vétérans se sont dit tiens, si on faisait un album de reprise, après tout, ce qu'ils n'ont jamais fait. Enfin, si vous écoutez les trois premiers albums, et c'est vrai qu'à l'époque, en 68-69, ça se faisait beaucoup, c'était mi-reprise, mi-compo original, mais là c'est vraiment que des compos, que des reprises, et on sent que le groupe s'est vraiment fait plaisir à revisiter des morceaux de sa jeunesse, c'est-à-dire du rock des 60s et même voire même des 50s. De ce Turning to Crime, moi pour ce soir, je nous ai choisi une reprise de Fleetwood Mac, Oh Well, qui était sortie en 1969. Eh ouais, tout ça, ça nous rajeunit pas. Mais là, c'est du Deep Purple 2021. The shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. Oh well. He said, stick by me, you'll be your guiding hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. About the shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. Thank you. City Hall to the county line. And that's why there ain't no love in the heart of the city. Ain't no love in the heart of town. Ain't no love, sure is a pity. There ain't no love since you're not around. Every place that I go, it feels so strange without you here. Everything has changed. Nighttime comes, there's a blanket of gloom. Another teardrop falls in my lonely room. And that's why there ain't no love in the heart of the city. Ain't no love in the heart of town. Ain't no love, sure is a pity. There ain't no love since you're not around. Un seul mot pour décrire, magnifique, cette superbe reprise du Bobby Blue Band, Ain't No Love in the Heart of the City, même si on connaît plus la version Whitesnake, qui est magnifique elle aussi, et qui est d'ailleurs est toujours un grand moment lors des concerts de l'ami David Coverdale. Cette version par Geoff Newell est pas mal non plus hein, quand même. C'est extrait de leur dernier album, Heavy Load Blues, qui est sorti récemment, qui est un mélange de compos originales et de reprises. Par contre, ce qu'il y a eu avant, c'est qu'un album de reprise, en attendant que passer aux choses sérieuses. Les vétérans de Deep Purple, qui, pour s'échauffer un petit peu, ont repris, par exemple, ce Oh Well de Fleetwood Mac, qu'on a eu ce soir, extrait donc de l'album Turning to Crime, sorti fin novembre. Allez, on va se faire encore une nouveauté. Et pour ça, je vais vous emmener en Alsace, retrouver un groupe de métal industriel qui s'appelle Dust in Mind, qui existe donc depuis 2013, et là c'est leur quatrième album, qui est sorti là fin novembre. Alors musicalement, c'est, bon, comme je vous ai dit, du métal industriel. Sa particularité, c'est qu'il y a deux chanteurs, une chanteuse qui essaie donc d'avoir des lignes assez mélodiques, et qui sont contrebalancées par un chant masculin beaucoup plus furieux. Bon, comme ça se fait beaucoup en ce moment, il y a de très bonnes choses sur cet album, qui s'appelle CTRL, et le morceau de ce soir, bah, c'est des lettres, c'est WGACA. Qu'on va se envoyer tout de suite et qui va nous décrasser les oreilles. Yeah. c'est bon ça. Aussi, ils nous viennent d'Alsace, et bah, c'est des coups de cœur ces dernières semaines. C'est le nouvel album donc de Dan Wright, Mollis Mechanica Temporis. C'est pour vous dire que ça nous a plu ici, Electric Shock. Puisque sur 10 morceaux, c'était le 9e, A Time for All, donc ce soir. Juste avant, donc, eux aussi viennent du même coin. C'est la deuxième nouveauté de la soirée avec leur 4e album, CTRL. C'était le groupe Dust in Mine et c'était le morceau WGACA qu'on a eu ce soir. Et bah tiens, maintenant on va refaire un petit tour aux States, retrouver les affreux pabots de Gouard qui ont profité de leur la pandémie pour rejouer en live sans public, mais en conditions réelles, c'était avec les déguisements la totale. Leur album culte qui est Scum Dogs of the Universe, sur un CD, DVD, Blu-ray qui est sorti donc là fin septembre. Et on va se faire deux petits extraits, deux petits brûlots de ce live, ma foi, fort sympathique. Mais enfin, Gouard, c'est plutôt un groupe à regarder qu'à écouter. Enfin, les deux ensemble, c'est parfait. En attendant, on va se contenter donc d'écouter Vlad the Impaler. DefPod et Vlad the Impaler, donc deux extraits du live, entre guillemets, Scum Dogs, live de Gouard, sorti au mois de septembre dernier. Maintenant, allons faire un petit tour du côté de l'étrange, de l'inclassable. Eh bien, on va revenir à l'album de Mastodon, Hushed and Grim, qui est sorti fin octobre et qui est vraiment une pure merveille, comme l'a toujours été d'ailleurs pour la discographie de Mastodon, c'est évident. Groupe vraiment inclassable, comme on va pouvoir le juger tout de suite avec un morceau qui s'appelle Eyes of the Serpent. superbe ce Eyes of the Serpents qu'on peut trouver sur le double album de Mastodon, Hushed and Grim, sorti fin octobre dernier. Allons faire un petit tour de chez nous, Made in Orleans, avec notre légende du rock, du punk rock, Comintern Sect, qui est revenu donc au mois de septembre avec un nouvel album, qui est sorti comme ça, sans grand tambour ni trompette, toujours fidèle à leur style de oi revendicatif. Cet album s'appelle Des jours plus durs que d'autres, et on va se faire un morceau qui s'appelle Comme un chien. attention, retour dans le temps, on était en 1977. Avec du culte de chez culte, c'était le morceau New Rose des Damned, de ce qui a été le premier morceau single du premier groupe qu'on a qualifié de punk rock. Extrait donc de leur premier album Damned, Damned, Damned, sorti en cette même année. Donc culte de chez culte, et c'est toujours aussi bon. D'ailleurs les Damned sont toujours en activité, et on peut toujours les voir en concert régulièrement. Moi je les ai vus en 2014, c'était en première partie de Motorhead, et croyez-moi ça le faisait vraiment. Alors c'est un mélange de rock, de new wave, de rock gothique, ils ont vraiment tout fait et c'est vraiment du tout bon. Juste avant The Damned, de Comintern Sect avec leur dernier album Des jours plus durs que d'autres, et c'était le morceau Comme un chien. On va faire un petit tour maintenant en Savoie avec la dernière nouveauté de la soirée, la troisième, avec un jeune groupe qui s'appelle Feed the Sharks, qui vient de sortir donc son premier EP éponyme, c'est-à-dire un petit quatre titres histoire de se présenter. Alors Feed the Sharks, c'est un mélange de post-hardcore et de metal alternatif, et croyez-moi, ça dépote pas mal, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte avec ce morceau qui s'intitule Waste. vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et oui, vous êtes bien en train d'écouter Electric Shock, l'émission métal qui frappe et qui vous grille les neurones. Et là, on s'en est grillé quelques-uns avec la belle petite doublette avec Primal Rage à l'instant et son morceau Kill Yourself, extrait de Awakening The Masses. Et juste avant, c'est la troisième nouveauté de la soirée, les Savoyards de Feed the Sharks avec Waste. Bon, j'espère que ça va toujours après cette petite déflagration. On va revenir à quelque chose de beaucoup plus heavy metal et culte. C'est le groupe Armored Saint qui a profité là de nous ressortir son album génial qui était Symbol of Salvation, interprété intégralement en live pour les 30 ans de sortie de ce groupe. Mais le concert dont on vous fait part ce soir a été enregistré il y a 3 ans en 2018. Comme quoi, c'est un vrai live avec du vrai public. Et ce soir, le morceau que j'ai choisi, ça s'appelle Tribal Dance. Pero

petit bond dans le temps. On était à l'instant à Chicago en 2003. Et c'était Anthrax avec le morceau Only, extrait donc du CD DVD Music of Mass Destruction qui lui était sorti donc un an plus tard. Et à l'époque, Anthrax avait John Bush comme chanteur. John Bush qu'on a retrouvé donc avec Armored Saint juste avant avec le fameux Tribal Dance, extrait du Symbol of Salvation Live sorti fin octobre. Alors on va revenir sur un excellent album de cette fin d'année dont on n'attendait pas spécialement un nouvel opus. C'est le groupe Trivium qui nous avait sorti un excellent album aussi l'année dernière, au mois de juin justement, en pleine pandémie. Donc on pouvait penser que le groupe allait plutôt ronger son frein et attendre que des jours meilleurs pour pouvoir le défendre sur scène. Et ben non, ils ont choisi le cas contraire, de nous ressortir un nouvel album. Alors il n'y a peut-être pas l'effet de surprise qu'avait pu avoir What the Dead Men Say, c'était le titre du précédent, mais par contre c'est du tout bon, c'est vraiment mélange de metalcore, de thrash, de plan black metal, enfin il y a plein de choses sur cet album génial qui s'appelle In the Court of the Dragon. Enfin, vous le connaissez parce que si vous écoutez Electric Shock, ça fait quand même quelques semaines qu'on vous en passe des extraits. Pour ce soir, pour vous bien vous enlever le cérumen qui vous reste encore dans les oreilles, si vous en reste encore un peu, ce sera Fall Into Your Hands. qu'est-ce que c'est bien ça aussi, ça c'est vraiment une belle découverte ce nouvel album de Trivium in the Court of the Dragon, c'était Fall into Your Hands. Faisons un petit tour du côté de Lyon, on va retrouver les copains de Destinity et leur album In Continuum, et on va se faire quelque chose d'assez épique aussi qui s'appelle Salvation. Free! Destiny et le morceau Salvation de In Continuum, ça pour tous les amateurs de death metal épique. Et il nous reste encore le temps de passer un petit morceau. Et tiens, on va revenir à l'album concept de guitariste franco-irlandais Pat O'May, Welcome to a New World. Et on va terminer en beauté avec le morceau The Warrior. Warrior, extrait de Welcome to a New World, le dernier album de Pat O'May. Voilà, c'était donc le dernier morceau d'Electric Shock ce soir. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été une fois de plus fidèles à ce rendez-vous du métal. Alors, comme je vous l'ai dit en tout début d'antenne, ne me ratez pas la semaine prochaine, nous serons 4 jours avant Noël, donc je vous le dis, d'ici là, le Père Noël aura eu le temps de me rendre une petite visite et il y aura plein de cadeaux pour vous. Donc, soyez très attentifs la semaine prochaine. D'ici là, faites attention à vous, portez-vous bien, écoutez plein de métal, bien sûr, et Radio Arc-en-Ciel, bien évidemment. Et je vous dis à mardi pour l'émission de Noël. Allez, ciao à tous!